Je roule à 100 km/h. Je peux m'engager? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère? Oui, réponse C. Non, réponse D.